89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. On va prendre des choses dans la chronique éducative, c'est un fait. Puis Tania va nous parler de char dans Tania is gonna entertain. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 21 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On essaie de se parler en rond, mais nos écouteurs sont tellement bons qu'on n'arrive pas à s'entendre. Ouais, là. C'est ça. Hey, tu sais, Tania, le problème que tu as le matin quand ton alarme sur ton téléphone, ton cerveau s'habitue à l'alarme et te réveille plus vraiment parce que la petite musique fait juste jouer en boucle pendant comme une demi-heure. Ah, toi, ça fait ça? Ça m'a fait ça ce matin. Oh non. Faut que donc, je change de t'étais quasiment arrivé en retard, c'est ce que t'étais en train de dire? Mettons, peut-être. Peut-être. Peut-être que j'étais encore couché à 52. Hein, peut-être. Mais bon, c'est une nouvelle semaine qui commence. On va prendre de nouvelles habitudes de vie. Pas le choix. Donc aujourd'hui, le plan d'émission, Tania, c'est une émission quand même assez simple. On n'a pas de chroniqueur, de collaborateur aujourd'hui. On va recevoir quelqu'un de spécial quand même à 9h. C'est Philippe Compagnon du département du SAE, donc les services aux étudiants de l'UQTR. Mm-hmm. Il va être avec nous à 9h. Toi, dans ta chronique, Tania is gonna to Tania, aujourd'hui, ça va être en piste avec Tania Baudin. Eh bien, oui! Oh oui! Bien, en fin de semaine, il y a eu deux fins de saison qui sont passées. Alors, on va en discuter un petit peu plus tard durant l'émission. Génial! Hey, comme on le fait tout le temps le lundi, on va avoir notre chronique « C'est un fait ». On va prendre des affaires ensemble. On aime ça. On aime ça. Collègues de classe. De classe. Ou de grande classe. Ouais. Oui. Mais on va débuter musicalement parlant notre émission d'aujourd'hui, comme toujours. Est-ce que tu t'adonnes à avoir une feuille de palmarès récente à quelque part proche de toi? Oui, tout à fait, ici, juste là, devant merci toi. Merci beaucoup. Ça j'en avais pas de mon bord. Hein? On a une nouvelle entrée de Arthur Comeau qui s'appelle Pour pêcher. Donc, on va entendre ça. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. Parce que les palmarès sont tout neufs et recommencent mardi. Entre 15h et 18h, une toute nouvelle saison des palmarès, c'est fou. Avec moi-même, Mathieu Plante. Avoue que t'es subjugué par les événements. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Tasty, hey. Mais. Tasty, mais. Ça prend des cartes de cigarettes. dans les gâteaux de cigarette. Ça prend des cartes de cigarettes. Tu cherches pour le check of fuck et caché. C'est quand tu brilles le feu que la mort et la venir à toi. Let's go, boy. Et je dirai pour les mots jusqu'à temps que hier on a trouvé. Arthur Como, ex Radio Radio. Il y a un nouvel extrait du palmarès francophone qui s'appelle Pour pêcher sur l'album Prosper. Assemblage Rookie. Prosper. Je sais pas si vous le prononcez un petit peu acadien. Un peu. Ouais, mais il chantait un peu aussi comme un acadien. C'est un peu redondant, mais c'est pas mauvais. C'est un bon beat. C'est un ancien membre de. De Radio Radio. Ben oui. Ouais, il y a des choses comme ça, des faits véridiques. De même, là, on a ça en stock dans C'est un fait. Ouh. Faut chanter, hein, tu te rappelles ça? Je me souviens plus de la toune. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Digne d'un beat de Radio, c'était. Pareil, écoute, on se peut plus à matin. Aïe. Donc, on a une galerie de faits pour vous ce matin, en ce lundi. C'est comme ça qu'on commence la semaine. Faut quand même se mettre dedans, dans le bain, pour réussir à apprendre un peu à l'université. Commençons par un pont. Le Quechua Chaka. Le que quoi? Le Quechua Chaka. C'est pas n'importe quel choix, ça, là? Non, hein? C'est le dernier pont Inca. Tissé à la main, fait entièrement de gazon. Tissé à la main complètement par des humains. Il est renouvelé à chaque année par... À tes souhaits? Ça, c'était chic, hein? Alors, pour ceux qui ne savent pas, Mathieu Plante vient d'adjumer en direct. Ouais, je pense que c'est la mousse du micro qui a accumulé de la poussière. Ouais, c'est ça. Une chance que j'ai fait dans mon coude. Ouais. C'est ça. Donc, tu sais, à la main, dans une cérémonie de 3 jours à chaque année, à travers les siècles, ces ponts-là ont perdu graduellement, évidemment, robustesse, très bonne façon de le dire. C'était remplacé par des ponts conventionnels et avec l'ingénierie moderne qu'on connaît. Mais le pont le plus célèbre là-bas, c'est un pont de 148 pieds, immortalisé par Thornton Wilder. The Bridge of St. Louis Ray, qui a duré jusqu'au 19e siècle, lui aussi éventuellement est tombé. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul de ces ponts de gazon, c'est le Quechua Chaka, de 90 pieds, entre les deux côtés d'un grand genre de canyon, près de Huincheri au Pérou. Selon les personnes là-bas, les gens, il y en a depuis au moins 500 ans. Est-ce que toi, tu aurais le courage, exemple, de passer dessus? T'sais, même si des tonnes de gens passent dessus, ça prend juste un groupe de gens un petit peu trop lourd pour que soudainement tout tombe si les autres sont tombés. Donc non, je crois pas. Tu sais, c'est du gazon. Là. Ça sort. Ça va être tissé, serré. S'il mouille, ça imbibe. Si, tu sais, comme... S'il fait vraiment chaud, ça devient de plus en plus sec. Et je suis pas sûr, moi, je passerais là-dessus. Non, hein, là, il y a des gens, on les voit sur les photos sur assemblagerequis.com. Les gens traversent, mais c'est ça, juste une fois que le pont tombe et tout le monde dessus tombe. Tu peux t'accrocher peut-être au gazon, mais ça va peut-être déchirer à ton endroit aussi. Ça fait film un peu, ça fait, on dirait Indiana Jones. Ça fait j'irai pas. Eh non. Cléopâtre la tortue, qui a reçu une nouvelle coquille imprimée avec une imprimante 3D pour soulager une condition douloureuse. On le voit encore une fois sur les photos, c'est une coquille de plastique rouge. Donc, c'est incroyable ce que l'impression 3D peut faire de nos jours, non seulement pour les êtres humains, on a déjà vu des prothèses, entre autres, pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux. Ça a commencé à Golden, au Colorado, au Canyon Critters Rescue, une compagnie qui essaie de réduire les animaux abandonnés dans la place. Et puis, ils veulent éduquer le public aussi par rapport à comment prendre soin correctement de ces animaux de compagnie, tiens, on va dire. Donc, Nico Novelli, le fondateur de Canyon Critters, a commencé à sauver des animaux quand il travaillait au LA County Animal Control, les services de contrôle animalier, pour les sauver de l'euthanasie. Un animal, une tortue donc nommée Cléopatra, vivait une vie douloureuse et peut-être une condition dangereuse. Elle a été parmi ces créatures chanceuses. Ben c'est oui. Sauvée. T'as-tu vu ça? Elle avait une maladie des os. Ah. C'est à cause que les gens, tu sais, comme exemple, dans les zoos, pis tout ça, ouais. Là, les gens, ils vont comme donner de la nourriture qu'en temps normal, ces animaux-là vont pas manger. Mm-hmm. Puis ça fait en sorte que leur os, je peux dire ça comme ça, les os. Leurs os, ils deviennent de plus en plus faibles. Donc, ça fait en sorte que la coquille, ici, une autre tortue monte dessus, va se casser. Ah! OK. C'est ça que j'étais en train de lire. Puis, wow. C'est pourquoi ils ont créé la petite coquille 3D pour sauver l'autre. Magnifique, magnifique. Et la coquille peut être changée hein, tous les jours après changer de couleur, là, pour aller sur maquillage. Évidemment, la tortue va se maquiller. Une école primaire a remplacé les bureaux avec des vélos de lecture et les scores dans les examens ont augmenté. Donc, le mouvement est la clé pour rester alerte hein, et maintenir le focus, selon plusieurs études. Une école primaire donc, qui a vu que leurs étudiants passaient plus de temps dans leur programme Read and Write. Donc, ceux qui passaient plus de temps dans ce programme-là avaient une meilleure efficacité de lecture que les gens qui passaient moins de temps dans ce programme-là. Donc, c'était vraiment un programme où les gens sont sur des vélos stationnaires et lisent des livres qui sont sur leur guidon. Quand même simple. Ben oui. C'est pas genre un vélo avec une génératrice qui fait marcher un iPad. On a vu ça hein, la semaine passée. C'est ça. En 1997, un super ordinateur de IBM connu sous le nom de Deep Blue, là, je pense qu'on vous apprend rien là-dedans, a battu un champion d'échecs, Garry Kasparov. Ça, c'est en 1997, quand même assez connu. Lui qui s'était vanté qu'il n'allait jamais perdre contre une machine. Après 15 ans, on a découvert que le mouvement critique fait par Deep Blue était à cause d'un bug dans son logiciel. C'était même pas parce qu'il était si intelligent que ça. Non! Ouais. Donc, le maître des échecs, Garry Kasparov, qui contemplait son move sur la photo sur assemblagerequis.com envers ou contre Deep Blue. Alors que Chung Jen Tan, le manager, celui qui s'occupait du projet Deep Blue, regardait la partie. 15 ans plus tard, un des designers de Big Blue donc, a dit que le move était à cause d'un bug dans le logiciel de Deep Blue. La révélation a été publiée dans un livre par le statisticien et journaliste au New York Times, Nate Silver, nommé « The Signal and the Noise ». Pour son livre, Silver a reçu Murray Campbell, un des trois scientifiques qui a travaillé sur Deep Blue. Murray leur a dit que la machine était incapable de sélectionner un mouvement et a simplement choisi un mouvement au hasard dans ce qui restait comme mouvement. C'est un signe d'intelligence supérieure. Oui. Mm-hmm. Tout à fait. En 1986, un garçon de 5 ans est tombé dans une cage de gorilles. Il a perdu conscience. Un gros gorille mâle nommé Jumbo s'est mis devant le garçon et les autres gorilles, ou gorilles, dépendant de l'accent, pour le garder, faisant des gestes de protection et même flattant le dos du petit garçon. L'incident a réussi à créer une perception plus positive pour le public envers les gorilles. Bon, si tu le petit gars, il... J'imagine que tu vas bien, sinon il l'aurait précisé. J'espère bien. Donc, Jumbo qui est devenu une vedette internationale d'un coup le 31 août 1986. C'est le petit Levin Merritt qui est tombé dans la cage au gorille, qui a perdu conscience. Quand le garçon a repris conscience, il a commencé à pleurer. Jumbo et les autres gorilles se sont tassés en paniquant. Le Jersey Zoo a fait une statue de bronze de Jumbo à l'intérieur du terrain du zoo comme hommage au gorille qui avait aidé à changer la perception du public envers eux. Hey, c'est cute. Mignon. C'est digne d'un film de Disney. Oh que oui. Le livre de la jungle avec des humains, as-tu vu ça? Hey. Nouvelle bande-annonce qui est sortie. Non, je peux pas. Le livre de la jungle avec des humains. Ah ouais? Il va y avoir ça? Ouais, ça sent bien. L'endroit exact des plus grands et des plus vieux arbres du monde, c'est gardé secret, top secret, pour éviter les foules de touristes qui pourraient les endommager. Et leur environnement. Bref, il y a seulement quelques scientifiques qui connaissent la place où sont situés ces arbres-là. Un de ces arbres-là est le Hyperion, qui est un des plus grands arbres vivants en ce moment. L'endroit donc n'a pas été révélé au public parce qu'on a peur pour sa survie. Mais c'est pas en Colombie-Britannique qu'il y a les plus longs arbres? Ah, tu vois, je peux pas te dire ça, non. J'ai des informations privilégiées, mais ça va rester... Parce que tu fais partie du club secret? Toujours. Évidemment. Toujours. Il y a une école d'art au Japon qui permet à ses étudiants de porter n'importe quoi lors de leur graduation. On voit entre autres quelqu'un déguisé en violon ou cello ou je sais pas trop quoi, en métronome. Donc c'est les étudiants qui graduent de Kanazawa College of Art au Japon. Ils peuvent porter tout ce qu'ils veulent lors de leur graduation. C'est un événement annuel très populaire. Il y a plusieurs caméras de télé, des photographes, des journalistes qui sont là pour couvrir la cérémonie. On dirait un gros party d'Halloween qui a mal viré. C'est ça, on dirait un Comic-Con ou... quelqu'un déguisé en boîte de carton, c'est vraiment cute. Oui! Des personnages d'animés japonais, des Pikmin, n'importe quoi. On revient aux animaux. Tonka, le wombat, qui a eu une vie difficile, diagnostiquée d'une dépression clinique. Ah! Une vraie dépression. Wombat, il me semble qu'en français, on dit simplement wombat, mais je vais aller me renseigner sur le mot en français exact. C'est ça, c'est un wombat, c'est un marsupien australien du nom de Phascolum. Si on regarde le nom au complet. Donc, Tonka, Wombat, cliniquement dépressif, qui a réussi à trouver un petit peu de confort. Il s'est trouvé un petit ourson. Oh. Un petit ourson toutou. Tonka, 7 ans. Ça fait en sorte que sa vie était moins pathétique. C'est exact. Donc, il vit au Billabong Sanctuary. Non, c'est pas un endroit de marque de linge. Billabong Sanctuary. À North Queensland, en Australie, il a eu une vie difficile. Il est orphelin depuis qu'il est jeune bébé. Sa mère a été frappée par une voiture. Ensuite, en 2011, une portion du sanctuaire où il vit a été endommagée par un cyclone. Et pendant ce temps-là, Tonka a perdu 20% de son gras corporel et a été diagnostiqué d'une dépression clinique. Oh mais, non. Non. Mais maintenant, le Wombat a trouvé un petit peu de réconfort. Son petit ourson en peluche. Plusieurs animaux orphelins, apparemment, se réconfortent en utilisant des toutous, des poupées, selon la personne qui s'occupe de Tonka, Samantha Sherman. C'est vraiment juste un gros bébé, le Wombat. Il est tellement cute, sa photo. Allez voir ça sur Assemblage Hockey Point. Oui! It's a cute Wombat! Y a une maison pour personnes âgées en Hollande. Pour les gens qui sont atteints de démence, qui met des autocollants de grandeur réelle, grandeur nature, de leur porte de maison sur la porte de leur chambre. Ça aide les patients à retrouver leur chambre et ça leur donne un petit peu de familiarité. Hey, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Pour vrai, là, ça, c'est vraiment fort. Puis si tu regardes, vous pouvez aller voir les photos sur assemblagereiki.com, mais toutes les portes sont vraiment très belles. Oui, oui, oui, absolument. C'est comme des vieilles portes architecturales. Vintage. Ouais, vintage. D'époque. Mais ça fit avec la place où ils sont. Absolument. Et ça coûte moins cher que de commencer à recréer l'intérieur de leur maison avec tout ce qu'il y avait dedans. T'sais. Ben oui. Ça commence à être cher. C'est vraiment cute. J'adhère à cette idée. J'adhère à cette idée. Tu adhères et tu adores. Et voilà. Ça fait un jeu de mots sans le vouloir. Tout à fait. Tu connais l'artiste Weird Al Yankovic, celui qui fait des parodies de chansons pop comme Michael Jackson et autres? Non. Non, c'est un gars avec des cheveux frisés. Bref, pour ceux qui le connaissent, j'en parle de temps en temps dans cet effet parce que je trouve que c'est un gars intéressant. Mais ses parents sont morts, Weird Al Yankovic, pendant qu'il était en plein milieu d'une tournée. Il a pas annulé sa tournée. Il a dit « J'ai entendu parler de tellement de gens à travers les années qui disaient que ma musique leur remontait le moral pendant les tragédies, donc je me suis dit que peut-être que ma musique allait m'aider moi aussi. » Donc, il continue à faire sa tournée. Weird Al Yankovic, si vous avez pas vu ses vidéoclips là, de l'année passée, il a sorti un album et il a fait comme il y avait genre 10 vidéos virales de chansons super populaires de Bruno Mars et tout. Là. Il les a refait avec des artistes très connus. Allez voir sur YouTube la page de Weird Al Yankovic. Il a fait entre autres With Aluminum Foil, pareil comme la tune Royals de Lord. Tu sais, chanter comme ça, je peux peut-être pas la remettre. Ok, bon. d'accord, t'as probablement raison, mais... Mais non, mais c'était chanté de façon... C'est un fait, genre, de façon chanson-thème d'assemblage requis. Ouais, c'est ça. T'as reconnaître peut-être plus une fois chanté par lui, de bord. Okay. OK. I never seem to finish all my food. Voilà. I always get a doggy bag from the waiter. So I just keep what's still unchewed. And I take it home, save it for later. But then I deal with fungal rot, bacterial formation, microbes, enzymes, mold and oxidation. I don't care, I've got a secret trick up my sleeve. I never bother with baggies, glass jars, Tupperware containers, plastic, cling wrap, really a no-brainer. I just like to keep all my flavors sealed and tight with aluminum foil. Never settle for less. That kind of wrap is just the best to keep your sandwich nice and fresh. Stick it in your cooler. Eat it when you're ready. Then maybe you'll choose a refreshing herbal tea. Lovely. Oh, by the way, I've cracked the code. I figured out the shadow organizations and the Illuminati know that they're finally primed for world domination. And soon you've got black helicopters coming across the border, puppet masters for the new world order. Be aware, there's always someone that's watching you. And still the government won't admit they fake a whole moon landing. Thought control race, psychotronic scanning. Don't mind that, I'm protected cause I made this hat from aluminum foil. Where I had this foil lined in case an alien's inclined to probe your butt or read your mind. Looks a bit peculiar. Seems a little crazy, but someday I'll prove. There's a big conspiracy. Weird Al Yankovic, la pièce Foil sur les théories du complot et... Tout plein de beaux petits messages. Mais hein, le clip est absolument génial. Allez vous voir sur YouTube. Ça m'a pris 2 secondes à le trouver tantôt pendant qu'on en parlait. Sur son album de 2014, Mandatory Fun, il y a aussi des parodies de Iggy Azalea. Il y a Blurred Lines par Robin Thicke. Hein? Oh. Foo Fighters, Crosby, Stills and Nash, Imagine Dragons, Pixies et un paquet d'autres. Voilà. On va dire dans C'est un fait. Continuons. Hein, avec le petit gag des divans dans les Simpsons. Oui! C'est tout le temps un gag de divan. L'intro a été développée comme façon vraiment facile d'ajuster la durée de l'émission, indépendant de l'épisode. Si l'écriture, l'animation prend plus ou moins de temps, on peut s'arranger pour avoir un plus long gag de divan ou un plus court. C'est un segment accordéon, si on veut, l'émission qui doit toujours avoir la même durée que le réseau demande Fox. Intéressant, je trouve. Je savais pas. Mm-hmm. Il y a au moins 23 statues de chats un petit peu partout dans la ville de York, en Angleterre. Au sommet des bâtisses et des maisons, on dit que ça a été mis en place au début du 19e siècle. Et évidemment, il y a encore des photos super visuelles de l'émission, mais il y a toujours des chats en statue qui grimpent les murs, qui sont en haut. Ça fait un peu peur, hein? Oui, parce que tu te demandes comment ça se fait que le chat est pogné là, c'est ça? Faut que j'aille le sauver. Donc, c'est dans la ville de York, en Angleterre. On peut participer à une petite chasse au trésor pour essayer de trouver tous les chats. Tu gagnes-tu de quoi, Frank? Je pense pas, non. Par contre, il y a un répertoire sur assemblagerequipe.com, un répertoire d'informations pour trouver chacune des statuettes à York. C'est ça. Ça dit que l'endroit exact des chats n'est pas montré sur les pages individuelles des chats pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui veulent les trouver. Il y a quand même une liste des quartiers, des endroits. Donc, c'est ça. C'est à York, en Angleterre. Un marchand romain. Tu te rappelles d'une blague de salade la semaine passée? Rappelle-nous ta blague de salade. Attends, faut que je m'en souvienne. Oui, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait avec les voleurs de salade? Je sais pas. On les tue. Oui, puis l'autre qui a rapport avec la nouvelle, mettons. L'autre, la deuxième blague. C'est comment est-ce qu'on appelle les femmes de César? Je sais pas. Des romaines. Des romaines, c'était celle-là. Tout. Parce qu'on parlait d'un rom. Il y avait celle aussi de la Barbie, mais ça n'a pas rapport avec les... Tu la gardes pour plus tard ou... Ben oui, on peut bien. Okay. On peut la refaire un peu plus tard. Oublie-la pas. Un marchand romain qui vendait de faux bijoux a reçu une sentence de faire face à un lion dans une arène. Hein? Oh. Lorsque les portes se sont enfin ouvertes, un poulet en est sorti. L'empereur Gallienus avait proclamé qu'il avait menti. Et ensuite, en fait, il avait dit que le marchand lui avait menti, donc lui avait aussi menti par rapport à sa punition. Hein? Tu vois le genre? Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. C'est comme ça que ça se passait dans poulet. Le temps. Ils n'ont pas de dents, les poulets. Hein? Non, je pense pas. Il a pas dedans. Non. Bref. Ensuite, il l'a laissé partir en passant, le marchand. En 2007, un chien a sauvé son propriétaire de l'étouffement. Une pomme s'est logée dans la gorge d'une femme. Elle a essayé de se faire elle-même le Heimlich. La manœuvre du Heimlich. Heimlich. Où tu te pompes par en avant pour... C'est pas la Heimlich? Non, Heimlich. Ah. En tout cas. Donc, un échec. Mon allemand n'est pas très bon. Non, c'est ça. Nine. Donc, la manœuvre n'a pas fonctionné et le chien nommé Toby lui a sauté dessus, l'a poussé par terre, sauvagement, paplau, à terre. Il a sauté sur sa poitrine jusqu'à ce que la pomme soit libérée et ensuite lui a léché le visage pour qu'elle ne tombe pas dans les pommes. Waouh! C'est vraiment fort. C'est de l'instinct de survie. De l'instinct de survie. Il a gagné d'ailleurs l'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals a nommé Toby son chien de l'année pour 2007. Oh. Ça a attiré l'attention de tous les médias. Il est passé le chien par Good Morning America et l'émission de David Letterman. Les livres à colorier pour adultes sont très populaires en ce moment. Savais-tu que c'est une nouvelle mode? Ben oui, j'ai vu ça à quelques reprises. Des gens qui... Mais je dois t'avouer que moi aussi, j'ai comme eu un trip avec certaines de mes amies un petit peu plus tôt cette année. On s'est mis à colorier un samedi soir. Cool! Des livres pour enfants ou des livres spécifiquement pour adultes? Ben, on avait trouvé des dessins sur Internet puis on les a dessinés, mais c'était pour enfants. Là. C'était dans le temps de l'Halloween. Génial. Ça puis les casse-têtes. Ouais. La nostalgie. Ça. Donc, les livres à colorier pour adultes sont une mode en ce moment et les éditeurs ont de la difficulté à tenir le rythme de la demande, l'offre et la demande. Oh. Donc, les livres ont tellement de succès, ça réduit le stress, ça soulage l'anxiété et c'est une bonne réhabilitation pour les patients qui reviennent d'une attaque cardiaque. C'est pas la première fois que j'entends ça. C'est ça. Intéressant. Connais-tu l'effet Hawthorne? Non. L'effet Hawthorne, H-A-W-T-H-O-R-N-E, c'est un terme technique pour la tendance que les gens peuvent avoir à changer de comportement lorsqu'ils savent qu'ils sont surveillés ou regardés. Comme exemple, quand il y a une police en arrière de toi sur l'autoroute? Mettons. Exemple. On l'appelle aussi l'Observer Effect, donc l'effet de l'observateur, un type de réactivité où les personnes vont modifier ou améliorer un aspect de leur comportement parce qu'ils savent qu'ils sont observés. La recherche d'origine vient de Hawthorne Works à Cicero, en Illinois. Sur les changements le changement de la luminosité et des structures de travail, par exemple les heures de travail, les heures de pause. Ça a été interprété à l'origine par Elton Mayo et d'autres. Et puis finalement, on a réinterprété ce travail-là. Et puis on a découvert que ça avait peut-être rapport avec se faire regarder. Mais tout le monde le fait, ça, non? Oui, exactement. Ça a un nom, au moins. Au moins. Au maintenant, ça. Y a une ville en Arizona qui s'appelle Nothing. Rien. Avec une population de 0 personnes. C'est une ville abandonnée? Absolument. Nothing a déjà construit une station-service et un petit dépanneur, mais maintenant, il y a une pancarte à l'entrée qui dit « Town of Nothing, Arizona hein, », la ville de Nothing en Arizona, fondée en 1977, élévation à 3269 pieds. Or, c'est écrit à la main, cette histoire-là. Ouais, hein? Les citoyens de Nothing sont remplis d'espoir et croient en une bonne éthique de travail. À travers les années, ces gens dédiés ont confiance en rien, ont eu espoir de rien, ont travaillé à rien pour rien. Est-ce que c'est clair? Mais ça doit tellement être le fun, par exemple, de visiter une ville fantôme. Oui. À vous. Ah, Tu sais, il reste des choses quand même, mais pourquoi est-ce que ces gens-là sont tous partis one shot? Il y a sûrement une raison, soit ça pue ou bien... soit ça pue ou bien il y a eu une attaque d'extraterrestres quelque part. Peut-être envoyer les émissions là, qu'il y a à Canal, peu importe, qui n'est pas supposé avoir ces émissions-là. Ouais. Les émissions de fantômes. Tu sais, Canal D, mettons, là, genre, c'est le genre à faire un documentaire sur toutes les villes fantômes. Oh! Je pensais que le D voulait dire découvert. Je devrais développer cette idée et la pitcher à Canal D. Tu te ferais de l'argent, là, man? Ah oui! Watch out! Au Rwanda, ouais. Une place dont on ne parle pas souvent. Non. Au Rwanda, les sacs de plastique sont illégaux. OK. Tu peux avoir une contravention de 100 à 150 $ si tu utilises un sac de plastique. En fait, à l'aéroport ou aux douanes, les sacs de plastique sont tous confisqués. Le Rwanda est une des places où il y a le moins de déchets en Afrique. Grâce à cette loi-là. Grâce à cette loi-là. Grâce à cette loi-là. Pourquoi? C'est juste parce qu'ils veulent pas justement ramasser partout? Ben, c'est sûr qu'environnementalement parlant, le plastique, on sait, c'est pas une bonne affaire. C'est pour ça que maintenant, il y a la loi qu'on paye ici. Oui. Il y a des places... 5 sous du petit sac. Du petit sac à l'épicerie. En Europe, il y a des places où tu peux juste pas t'en procurer à l'épicerie. Il faut absolument que tu aies tes sacs. J'ai une amie qui est allée en Allemagne. Ouais. Et qu'elle a dû traîner ses melons et ses affaires, ses fruits puis ses salades dans ses bras parce Mais qu'elle n'avait pas de sac de plastique à l'épicerie. Puis elle avait pas amené son sac à elle. Tu vois, genre? C'est pas le fun. Ensuite, il y a un gang de bikers, des motocyclistes en Arizona, qui aident à garder les victimes d'abus sexuels, des abus infantiles, ouais, en sûreté, OK? Pendant que la personne qui est coupable de ces crimes-là est en cours ou est en prison de transition, des trucs comme ça. Entre autres, ils vont se mettre devant les maisons de ces enfants-là le soir, la nuit. Si la personne n'est toujours pas en prison, la personne présumément coupable, ou si la personne s'en va en cours, par exemple, donc les bikers vont se mettre devant la maison, ils vont protéger les enfants. C'est comme un genre de bouclier humain, ouais, pour que les enfants n'aient pas à regarder leur agresseur. C'est quand même cool. C'est cool comme idée. Ouais. Des bikers, on s'attendrait pas à ça. C'est surtout ça, hein. C'est que ça vient aussi alléger l'image qu'on a des bikers. Exactement. Ces hommes-là sont disponibles dans 36 états, 24 heures par jour, pour vraiment garder la maison, la cour, l'école. Même si les enfants ont des cauchemars, ils vont les protéger de ça. Plusieurs sont des survivants d'abus, d'agressions sexuelles eux-mêmes. Ils savent ce que c'est d'avoir peur et de se sentir seul. Il y a plein d'autres détails sur assemblagerequis.com. Plein d'autres détails. Ça s'appelle Bikers Against Child Abuse, fondé en 1995. Par un psychologue pour enfants qui est amérindien. Son nom était Chief. Hein? Mm. Et puis, voilà, donc le reste des détails sur le site. Le carré de Sator m'intéresse beaucoup ce matin. Le carré de Sator. S-A-T-O-R. C'est un carré de mots qu'on a retrouvé dans les ruines de Pompéi. Ça contient un palindrome latin. Il y a 5 mots qui sont gravés dans cette brique carrée-là. Sator, Arepo, Tenet, Opéra et Rotas. On peut lire chacun de ces mots-là de haut en bas, ouais, de gauche à de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche. C'est un méga palindrome. Et c'est pour ça que ça te fait tant capoter. Moi, les affaires de mots, ça me fait capoter. OK. Doit être bon. T'es pas Stéphanie Paradis pour comprendre mes affaires de mots. Non, je suis désolée. C'est ça? T'as d'autres qualités, j'imagine? Oui. T'sais. Oui. Le Sator Square sur assemblagerequis.com, ça ressemble au Tic Tac Show avec Jean-François Mercier l'année passée. Hollywood Square. Pareil. Avec un paquet de vedettes, pas super vedettes dans le milieu. Ah. Voilà, donc pour cette partie de C'est un fait, hein? Moi je trouve qu'on a assez appris pour l'instant. Je trouve aussi. On y va petit peu par petit peu. Au retour, on verra bien ce qu'on fait. Peut-être la chronique de Tania, peut-être la mienne, peut-être une autre, on verra. On a aussi Philippe Compagnon des services aux étudiants qui s'en vient plus tard. Et restez avec nous à Assemblage Rocky, OK? All right. All right. All right. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Hey, moi et mes réflexes de ninja, J'ai oublié de mettre en onde le message de la G encore une fois. Donc, de retour à Assemblage Requis, on est lundi 21 septembre, et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Et là, on est tous en train de se dire, Colin, qu'est-ce qui se passe avec l'application de Messenger de Facebook? On ne reçoit plus les messages des gens. Avez-vous ça, vous? Ouais, vous, à la maison. Appelez-nous sur notre hotline. Ouais. Le problème est que tu reçois un message de quelqu'un et ça ne pop pas sur iOS 9, on dirait. Sur Messenger, là, évidemment, là, le petit Messenger de Facebook. Mais quand tu vas sur Messenger, là, ton message est là, c'est bizarre un peu. Mais bon. C'est pas grave, on va s'habituer. Ça. Est-ce que c'est un bug ou bien c'est voulu? Est-ce que c'est un bug ou une fonctionnalité, comme on dit dans le monde de Windows? It's a bug or is it a feature? Donc, dans quelques instants, on va continuer avec plus de C'est un fait, mais avant ça, on écoute une pièce de Faith. Non, c'est Fake, pas Faith, Fake Tears. Voici You Want the Light. Ça, c'est fou. Dans vos oreilles. Tu vois, si j'avais ça comme alarme sur mon sel, je pense que je me réveillerais peut-être pas. Ouais, non, je pense que ça t'endormirait beaucoup plus que d'autres choses. Fake Tears avec You Want the Light sur l'album Night Shifting à Assemblage Requis. Maintenant, on se fait un deuxième petit bloc de C'est un fait. Non, c'est vrai, il faut chanter encore. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas. Des choses que je ne sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Moi, je suis content, tu sais. t'es quand même pas mal aussi mauvaise que moi, ça. Ben oui, tout à fait. C'est sûr que je me forcerai pas pour ça. Je me forcerai pas pour toi, Mathieu Blanc. Tu connais le film Up de Disney et Pixar? Là-haut. Ou ça me dit quelque avec chose. La maison qui vole avec des ballons? Non. Non. Bref, avec un vieux monsieur avec des grosses lunettes. Non. Non. Donc, les créateurs de Disney Pixar's Up ont demandé à la personne qui faisait la voix de Russell en anglais, Jordan Nagai, de faire des activités physiques, des exercices physiques comme courir de bord à l'autre du studio aussi rapidement que possible pour qu'il puisse arrêter immédiatement devant le micro et résister ses répliques. Ça produit un effet plus vrai d'un enfant qui est rempli d'énergie parce que son rôle, c'est le petit genre de scout. Oh, pour vrai! Qui fait un petit peu de rebond au point, mettons. Ouais. Un petit peu. Ben, pour qu'il ait l'air de vraiment avoir l'air essoufflé, pour vrai. Ah! Oh. Tu vois que l'enfant, il est tout maigre, là, tu sais, tout petit et tout maigre. Mais tous ceux qui font du doublage de voix doivent tellement être actifs en studio, là. Ça doit dans la peau de l'acteur. Ouais, c'est ça. Ça doit être tellement cool faire du doublage de voix, justement, pour ça. Et pour les dessins animés, encore plus que le doublage, mettons, d'un film qui est en anglais, de le mettre en français, souvent, ils font juste, genre, dire leur réplique. Ouais, c'est ça. Mais pour des dessins animés, peux quasiment plus te laisser aller. C'est ça, c'est toi le personnage. C'est ça, exactement. Une femme du Michigan a donné naissance à ses bébés, OK? Ouais. Le 8 août 2008. Ouais. Le 9 août 2009. Hein, et le 9 septembre 2009 et le 10 octobre 2010. Le 8-18-18, le 9-19-19 et le 10-10-10. C'est très drôle. C'est cool, hein? C'est comme, vraiment drôle. Ouais. Donc, c'est Chad et Barbie Soper, les parents. Leur fille Sierra est née le 10 octobre 2010. Leur fille Chloé le 8 août 2008. Et leur fils Cameron dans le milieu le 9 septembre 2009. Un drôle de hasard, ça. C'est, ben oui, c'est carrément du hasard. Là. Ça peut pas être... Ben, probablement pour eux, c'est un miracle de Dieu. Probablement. Probablement. Grâce à sa popularité sur Internet, tu connais le Success Kid? Oui! Il y a un mime tout le temps, le petit garçon sur une plage qui fait un point laser qui fait yes! Oui, je me suis. L'imaginez, je vais juste vous l'expliquer avec la bouche, là, bouche en genre de vraiment comme satisfait. Yes! Ouais. Donc, c'est le Success Kid qui a fait assez d'argent pour pouvoir payer la transplantation. Transplantation, oui. Du foie? Poumon. De son père. Est-ce que je l'ai déjà dit, oui, ça? T'as de la difficulté avec poumon, oui, et foie en anglais. Poumon et foie, kidney, puis l'autre, là. Liver. Liver. Je suis pas capable. c'est de même. C'est pas grave, on te pardonne. Je suis là pour te corriger. C'est une de mes caractéristiques principales d'avoir la misère avec ce mot-là. Donc, Justin Griner, qui est le père de cet enfant qui est devenu célèbre sur Internet, le Success Kid, qui a ramassé donc l'enfant presque 100 000 $ par une campagne de sociofinancement pour payer pour une transplantation de poumon. Ben oui. C'est ça. En fait, poumon, c'est lung. Ouais, c'est rein. Oh, ben tabarnouche! Oh! Ah! Je suis là pour te corriger! Moi, je suis là pour te corriger! Lung, c'est poumon. Liver, c'est foie. Et kidney, c'est l'autre, là. Le rein? Le rein! Ah! Meilleur moment de la semaine! T'as raison. Oui, mais on n'a pas bu de café encore. Non, hein? C'est ça. En tout cas, la prochaine fois, je ne te ferai pas autant confiance. Griner, 39 ans, est tombé malade en 2006. Donc, il a eu un problème avec son... En 2009, c'est ça. Là. Il est allé en dialyse. Sa famille a installé une campagne GoFundMe sur Internet pour ramasser de l'argent pour la transplantation. Et ça a déjà surpassé le but original de 75 000 $ grâce à sa Success Kid qui s'appelle Sammy Griner dans la vraie vie. Il y a une petite photo de Sammy Griner à l'âge plus récent, là, de je ne sais pas combien d'années. On remarque là, sa bouche est de la même forme. Oui. Il est pareil. Sauf pareil. Que les cheveux sont beaucoup plus foncés. Oui, puis il y a tout pète dans le front, oui. Pas mal jusqu'aux yeux. Imo. Pas mal imo. Ernest Sutton. Oui. Sutton and Forget It, comme dirait Ron Paul Peel dans ses infopubs. Ernest Sutton, on n'a pas les mêmes référents. 21 non. ans. Son père, pourtant, t'écoutes pas d'infopubs à TV, toi. Si t'es anglophone, que tu sais comment m'aider à traduire un pour. Ouais, mais c'est si rare que j'écoute ça. Donc, Ernest Sutton, quand il a eu 21 ans, son père lui a fait payer toutes les dépenses qui avaient été associées à son enfance, OK, à Ernest. Oh, mon Dieu. Donc, le frais pour sa mère qui a accouché à l'hôpital, et plus d'affaires encore qui sont dans l'article après. Donc, le gars, Ernest Sutton, quand il a eu 21 ans, il a payé la facture, mais il a changé de nom et n'a plus jamais parlé à son père. Ben, tu sais, quand j'étais jeune, je me disais ça et je disais ça à mes parents. « Ah, un jour, je vais tout vous repayer ce que vous avez payé. » J'ai vite changé d'idée. Et ça doit être de l'argent. Eh, hein? Ouf. Il faut que tu veux quand tu veux des enfants parce que ça vient avec une marge de crédit très haute. Il y en a qui continuent avec d'autres enfants après. Oui. Donc, Ernest Thompson Seton, qui était auteur... entre autres, un des fondateurs des Boy Scouts aux États-Unis. Quand il était jeune, il est allé dans le bois, pour dessiner et étudier les animaux. C'est une façon d'éviter le contact avec son père, qui est un petit peu abusif, comme on peut dire. Donc, à son 21e anniversaire, son père lui a présenté une facture de toutes les dépenses collectées avec son enfance et sa jeunesse. Donc, c'est ça. En fait, non, il n'y a pas plus de détails que ça. Je pensais qu'il y avait le reste de la facture. Il me semblait que j'avais vu ça. Mais non, même pas. Même pas. C'est pas grave. Il y a une page Wikipédia par rapport à son enfance et sa vie. Et ce qu'il a écrit comme livre. Mm-hmm. Ben oui, évidemment, ça vient avec un livre. Oui, non. Indiana Jones. Oui. Qui a changé le monde de l'archéologie. Ça doit. Ça doit, hein. Donc, il y a des preuves, statistiquement parlant, que le nombre d'étudiants en archéologie a augmenté après la sortie du premier film. Et des centaines des meilleurs professeurs de nos jours en archéologie et les archéologues qui pratiquent ce métier-là disent avoir été inspirés par Raiders of the Lost Ark, le premier film d'Indiana Jones. C'est sûr. Ça me surprend même pas. Pas du tout, hein. C'est ça qui est le fun, sûrement que on a travaillé fort pour que ce soit le plus réaliste possible dans le film. Probablement. Les moines, à l'époque médiévale, se plaignaient souvent de leur travail en écrivant des commentaires dans les marges de leurs manuscrits qu'ils devaient copier à la main. Tu sais, ils copiaient les livres à la main. Ouais. À l'encre. Ils disaient donc dans les marges, j'ai vraiment froid, ouch, ma main, ou maintenant j'ai terminé d'écrire le livre au complet, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à boire. Hein? Sauf qu'ils disent « for Christ's sake ». For Christ's sake. Christa, tu sais, c'est ça. Ouais, genre. Ouais, donc les moines médiévaux qui étaient vraiment tannés de copier des données. C'était les c'est pareil comme ceux qui travaillent à l'ordinateur de nos jours qui doivent mettre des chiffres dans des colonnes. Comment ça puis t'as comme des exemples de tout ce qui était écrit, genre un petit peu plus bas. On vous le rappelle, on va le mettre sur assemblagerequis.com. Ben oui. Est-ce qu'on en fait un chaque? C'est genre marqué « Nouveau parchemin, mauvaise encre, je dis rien de plus. » L'autre, c'est « J'ai vraiment froid », on l'avait dit tantôt. Il y en a un qui s'est marqué « C'est une page difficile et... » And a weary rug to read. Et c'est très difficile à lire. Ouais. Laisser la voix du lecteur rendre hommage au crayon de l'écrivain. Yeah, bobo. Wow. Ouais. Cette page n'a pas été écrite vraiment lentement. Okay. Ce parchemin est poilu. Ah! Ah, poilu, OK. L'encre est très dure. Ben, le contrat faible, genre mince faible. Ouais, ouais, oui. Genre. Ouais. Dieu merci, il va bientôt faire noir. Ouch, ma main. Ouais. Je les ai déjà lus tantôt. Écrire, c'est vraiment difficile. Ça fait mal. Tu dois te pencher le dos, te courber le dos. Ça abaisse ta vision. Ça fait mal à l'estomac et j'ai mal aux côtes. Il se plaint pas mal, le gars, là. OK, puis là, j'imagine que ça, c'est un Saint-Patrick Varmark. Genre, ouais. S'il vous plaît, délivre-moi d'écrire. Pendant que j'écrivais, j'étais comme gelé, il y avait sûrement froid, et je ne pouvais pas écrire. Ok, j'ai dû finir d'écrire à la lumière d'une chandelle. Et c'est des phrases plus dures que d'autres. Hein? Ouais, hein? Ouais. Celle-là, je sais même pas comment tu vas faire pour la lire. Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est. La marina. Le pêcheur est bienvenu à la marina. C'est la dernière ligne du script. OK. Parce que ça, je cherchais Harbor, mais c'est un peu la place où les bateaux vont. Ouais, Marina, c'est ça. C'est triste. Au petit livre, un jour arrivera la vérité quand quelqu'un lira ta page et dira « La main qui l'a écrit n'existe plus. » Hey, il était vraiment frustré de devoir transcrire tout ça. Mais c'est fascinant quand même. D'écrire. C'est très drôle. Vraiment. Dans les marges, tu sais que quelqu'un va le lire plus tard. Hein? Ta job, c'est d'écrire un livre, pas d'écrire des commentaires. C'est pas un DVD avec la traque du réalisateur. C'est comme si t'allais chez Renaud Bré et qu'il y avait des choses d'écrire dans la marge des livres que t'achètes. Shit, man, that's tough. Ouais, c'est ça. Ah. Tu sais, comme si dans Harry Potter, J.K. Rowling, elle avait écrit ce qu'elle pensait quand elle écrivait. Ah, mais ce serait malade. He's so stupid. Non, mais pareil comme un commentaire du réalisateur, le commentaire de l'auteur. C'est ça, livre. C'est comme un DVD là, où que tu peux mettre les commentaires de l'équipe. Les commentaires qu'on a lus tantôt, c'est pas lui qui écrivait le livre, il faisait juste le transcrire. En plus. Donc imaginez la personne qui l'a écrit. Ah, ça. Ah. Oh. ça me fascine. Quelqu'un devrait faire ça. Vraiment. Une étude par Logitech, tu connais la compagnie de souris. Entre autres, ma souris est une Logitech, garçon, directement devant moi. Donc, une étude par Logitech, fabricant d'accessoires pour ordinateurs et de télécommande, a révélé qu'il y a presque 50% de chances que ta télécommande perdue soit entre les coussins de ton sofa. Pendant ce temps-là, 4% des télécommandes perdues sont trouvées dans le réfrigérateur ou le congélateur, parce que la personne va chercher une collation, j'imagine. J'imagine. Mais c'est en mauvaise place. Et 2%, c'est à l'extérieur, peut-être dans la voiture, des trucs comme ça. Dans la voiture? Pourquoi? Pourquoi tu traînes ta télécommande jusque dans ta voiture? Parce que tu penses que c'est ton cellulaire? Ah, peut-être. Ça dépend de la grosseur de la télécommande, j'imagine. On reste dans l'Internet. The Pew Internet and American Life Project, une étude qu'ils ont fait publier en août 2011, nous apprend que 8% des utilisateurs d'Internet n'utilisent pas de courriel ou de moteur de recherche. Par contre, une grande portion de la population en ligne réussit à surfer le web d'une autre façon, peut-être en tapant des adresses à la main, www, peu importe, mais ils n'utilisent pas de courriel ni d'argent de recherche. 8%. Ah. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. On parle de John Lehman. C'est un ancien secrétaire à la marine américaine, donc un Navy Secretary, John Lehman, qui a dit que les F-22, OK, le F-22, est en sécurité de toute attaque cybernétique, donc le cybercrime, impossible d'atteindre ce F-22-là, parce que personne en Chine sait comment programmer le logiciel IBM de 1983 qui gère le F-22. Ah, ouais. Un logiciel de 1983. Mais c'est sûr qu'en déclarant cette chose-là, là, il y a des gens en Chine qui se sont mis sur la mission de déchiffrer le IBM 83. Ça sonne défi un peu, hein? Ouais. Ouais. Donc, c'est... C'est niaiseux, en fait, comme... Pas mal. Il aurait pas dû dire ça. Et ça a été publié dans Time Magazine, c'est pas bon, rien du tout. Donc, sur ce, dans pas long, on va entendre que le F-22 a été attaqué. Alors, son nom complet, c'est le Air Force F-22 Raptor. C'est une sorte de véhicule... dans les airs, un genre d'avion. Tu connais Frank Zappa, chanteur, artiste, musicien. Il a fait un album Jazz from Hell, gagnant d'un Grammy. En fait, ça dit gagnant de Grammy, peut-être pas un. Ça dit en anglais, en fait, Grammy winning. Je ne penserais pas que ça dit au pluriel. Grammy's winning, ouais, ça non, dit c'est pas. Ça. Donc, il a reçu Parental Advisory, le petit autocollant pour les parents. Même si c'était une collection de pièces instrumentales qui contenaient aucune parole du tout. Ça devait être agressif comme musique. Ben, moi, je me demande si c'est pas simplement parce que l'album s'appelle Jazz from Hell. Peut-être. Tu sais, les parents, des fois, mais là, le mot Hell. Peut-être qu'il était même dans un emballage plastique, genre, pour pas que tu vois le titre. C'est parce que si tu l'écoutes à l'envers, il y a des messages de Satan, j'imagine. C'est peut-être ça. Ben, moi, en tout cas, ça me donne quand même envie d'en entendre, mais j'avertis les parents. Oui. De ne pas écouter cette pièce qui s'appelle Saint-Étienne par Frank Zappa sur l'album Jazz from Hell à Assemblage. La pièce Saint-Étienne de Frank Zappa sur l'album Jazz from Hell. Je comprends pas pourquoi ça l'a reçu le petit étiquette. Là. C'est pas si agressif que ça. Mais d'après moi, t'as vraiment raison. C'est peut-être le nom, les titres des pièces musicales exact. Et l'album en tant que tel. Parce qu'on disait qu'il y avait une petite étiquette pour Parental Advisory sur ouais. l'album Jazz from Hell à l'époque. Vous êtes à Assemblage Requis. Au retour, c'est la chronique de Tania Baudin. Restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Sifu 89.1 FM. FM. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis en ce lundi 21 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Oh, il nous reste seulement un invité à l'émission d'aujourd'hui. Le on espère premier, qu'il va arriver. Le premier de 1. On va parler avec Philippe Compagnon des services aux étudiants tout à l'heure vers les 9h. Mais avant ça, tous les jours, tous les matins, vous l'avez remarqué, on a Tania Baudin comme co-animatrice, mais elle est aussi chroniqueuse maison. Ah oui! C'est vrai. Et tout ça, quand on fait une chronique de Tania, ben, ça n'a pas chaud d'avoir une intro de Tania quand même. Donc, évidemment. Mettons. Vas-y, fais ton intro, Mathieu. Ben oui, c'est ça. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And just gonna entertain ya. Et dans la chronique Tania is gonna entertain ya ce matin, on retourne à nos bons vieux amours. Oui. C'est hashtag en piste avec Tania Baudin. Je parle pas de dessert routier ce matin. Je sais que quand j'ai terminé l'émission en piste avec Tania Baudin, je disais que j'allais refaire des chroniques plus précisément sur les essais routiers pendant ouais. la saison morte. Mais la saison n'était pas tout à fait morte encore pour ce qui était des courses automobiles au Québec. Alors, et en Ontario, évidemment. Alors, en fait, aujourd'hui, je reviens sur deux événements qui se sont passés cette fin de semaine, qui étaient les finales de deux championnats, deux compétitions complètement différentes. La première étant le championnat de l'Est du Canada, communément appelé le ECKC. Ben oui. Et tu connaissais ça, hein, Mathieu? Clairement. Et aussi la saison 2015 de NASCAR Canada, donc NASCAR Canadian Tire, qui s'est terminée aussi en fin de semaine. Malheureusement, c'est triste, mais on a des hivers et des automnes ici plutôt frisqués. Alors, on peut pas vraiment s'empêcher d'arrêter les saisons. Oh. Mais du côté du ECKC 2015, on va commencer par ça. Hein? On va commencer par la base, qui est le karting, en fait, dans le monde de la course automobile. Et alors, fais comme avec les auditeurs, prends-moi pour un cave, OK? Explique-moi tout. Hein. OK, je vais essayer de faire ça. Faut quand même que je résume une saison complète en quelques minutes. En définissant chaque terme que tu utilises. Ouais, c'est ça. Fait que si jamais tu as des questions, Mathieu, lève la main. D'accord. Et on va répondre à tes questions. Alors, en fait, la dernière manche d'ICKC était du côté de Mont-Tremblant cette fin de semaine. On en avait un petit peu discuté dans les émissions la semaine passée parce que je disais que j'allais être à Mont-Tremblant. Mais plus précisément, c'était du côté de l'Académie de karting Jim Russell qui a été créée il y a quelques années. Et très belle piste. Hein? On aime toujours cette piste-là qui a reçu le championnat canadien à quelques reprises et qui la recevra encore l'année prochaine. On a très hâte. Il y avait plus de 145 pilotes au total. Donc, quand même une bonne liste d'inscrits cette fin de semaine pour les ECKC. Et évidemment, qui dit finale du championnat ECKC dit passe pour le championnat du monde au Portugal qui va être à la fin novembre. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans ma chronique. On a eu de belles courses du côté des différentes catégories qu'il y avait, entre autres en Micromax, Justin Arsenault qui s'est battu de A à Z. Malheureusement, ça s'est joué dans les derniers tours pour lui. Petit accrochage en fin de finale, donc Justin n'a pas gagné la course. Par contre, vous allez voir un petit peu plus tard, il est champion de quelque chose cette fin de semaine. Aussi du côté de la catégorie Rotax Junior, déjà en partant pour la finale, il y a eu quelques changements sur la grille de départ, donc on a déplacé des cartes tout juste avant le départ à la suite de quelques comment est-ce que je pourrais le dire de façon sans fâcher certains auditeurs ce matin? Déjà, j'ai essayé de traiter de cartes tantôt. Non, mais on a changé quelques positions à la suite de certaines... décisions prises du côté des officiels, disons-le comme ça. Change de position, ça, c'est le Nissan Kamasutra, là, je pense. Ouais, exactement. Kamasutra, ça. Ouais, c'est exactement, c'est ça, Mathieu, c'est ça. Merci. Je sens que la main est élevée, là. Donc, en fait, on a changé les positions sur la grille de départ. Par contre, on a eu le droit à de belles courses parce que dès les premiers tours, ça a commencé à se chamailler dans les positions de tête aussi en milieu de peloton. Donc, du côté de la catégorie Rotax Junior, on a eu beaucoup d'actions, de très beaux résultats et vous allez voir un petit peu plus tard qui a gagné le championnat de l'Est du Canada. Suspense. Oui, roulement de tambour. Et aussi en catégorie Briggs Senior, c'est toujours beaucoup de pilotes qui se présentent aux événements, que ce soit en Ontario, que ce soit au Québec. On le sait, les Briggs and Stratton, que ce soit junior ou senior, sont de plus en plus populaires ici au Québec et en Ontario parce que ça coûte pas aussi cher que de rouler en catégorie Rotax, mais il y a autant de fun et on voit beaucoup, beaucoup de pilotes revenir aux sources du karting depuis quelques années, mais de revenir aussi dans les compétitions de Briggs and Stratton, ce qui donne toujours d'excellents spectacles. Et on avait, Mathieu, on avait plus de 30 pilotes en Briggs senior en fin de semaine. Donc, ça a donné tout un spectacle parce que, évidemment, pour ceux qui connaissent ça, vous le savez, mais pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins ça. Donc là, Mathieu, je te regarde ce matin. Je suis là. Dans la catégorie Briggs and Stratton, eh bien, on se suit de très près parce que l'aspiration, c'est une clé. C'est quelque chose de très important en karting, déjà en partant, mais en Briggs and Stratton, beaucoup plus parce que c'est des moteurs qui sont moins productifs sur la propulsion, mettons. Donc, de se suivre, ça amène un côté plus technique aussi au pilotage et ça, comme je l'ai dit, ça amène toujours de beaux spectacles. Mm-hmm. Donc, Briggs & Stratton, qui était une trentaine de pilotes, une finale qui était à la hauteur des espérances des gens dans les estrades parce que ça s'est chamaillé de A à Z. Et je vous dis comme ça, qui sont les champions du ICKC 2015? C'est ce que j'attends. T'as le suspense au bout des yeux, je le vois. Ah ouais. Alors, voici les champions du ICKC 2015 dans la catégorie Micromax. Eh bien, c'est Justin Arsenault qui a réussi. C'est lui de tantôt. Il est quand même champion de quelque chose avec seulement 2 points d'avance. Donc, à la suite du résultat, malheureusement, après l'accrochage qui s'est produit en fin de course, celui qui était deuxième au championnat a fini plus haut. Mais par contre, Justin a quand même conservé sa tête au championnat avec seulement 2 points d'avance. Alors, félicitations à Justin. C'est Mathieu, pour te situer, ce sont des jeunes qui ont entre 7 et 9 ans. OK. Ah, oh, c'est un facteur assez important. Ouais. OK, merci. Donc, c'est quand même assez impressionnant de voir ces boutous-là qui ont peur absolument de rien à chaque fois qu'ils embarquent sur la piste. Ils sont téméraires. Ça essaye de dépasser à des endroits que toi, tu fais comme « Oh mon Dieu, ça passera pas » et ça passe la plupart du temps. Alors, cool. De ce côté-là, là, ils ont beaucoup de guts, ces jeunes-là. Du côté de la... Ils ont du guts, ces gosses! Et voilà! Ouais. Du côté de la catégorie Minimax, eh bien, c'est Stefano Lucente, l'Ontarien, qui est champion du ICKC 2015. Rotax Junior, eh bien, c'est Samuel Lupien. Dans ma dernière émission de En piste avec Tania Baudin, lundi dernier, on s'est entretenu avec Samuel Lupien. On a parlé un petit peu du championnat canadien, en fait, qu'il avait gagné, ce qui lui avait donné la passe pour aller au championnat du monde. Et on va voir qui a gagné la deuxième passe, parce qu'évidemment, si lui gagnait le championnat ICKC, en théorie, il gagnait une passe. Mais ayant déjà la passe pour aller au championnat du monde, qui reçoit la deuxième passe? Suspense. Ben oui. Mm-hmm. On va le savoir tout de suite après. Rotax, c'est-tu une affaire pour faire tes impôts? Ça, là, faire mes impôts eh ben sur non, Rotax, c'est une sorte de moteur, tout simplement. C'est un moteur assez productif. Là. C'est bien compétitif en Rotax. Okay. Dans la catégorie Rotax Senior, c'est le frère de Samuel, Cédric Lupien, qui est champion 2015 du ECKC. Dans la catégorie DD2, eh bien, c'est Jeffrey Kingsley. Pour ceux qui connaissent la catégorie DD2, il est comme aussi Jeffrey Kingsley. Personne n'est surpris. Il a quand même dominé tout au long de la saison et ça a été très impressionnant de le voir rouler cette fin de semaine. Il n'y a eu aucun problème à tout simplement voler la première position, mais à s'éloigner le plus loin possible de ses compétiteurs en piste. C'était quelque chose à voir. Hey, Samuel puis Cédric Lupien, là, est-ce que leur surnom c'est Salut puis Salut? Parce que c'est Samuel Lupien, salut. Hey. Cédric Lupien, salut. Je devrais peut-être leur demander, mais ça me surprendrait. Dans la catégorie DD2 Masters, ça, c'est la même sorte de card que DD2. Oui, exactement. C'est la même sorte que de card que DD2 que Jeff Kingsley. Par contre, avec un petit peu plus de poids parce que en temps normal, on est rendu à un âge un petit peu plus vieux. Je ne veux pas dire qu'ils sont vieux. Ils sont juste, on pourrait dire qu'ils sont plus expérimentés, plus sages. Ou... Non, adultes. OK, adultes. Mettons genre quarantaine. OK. Donc, on met un poids pour que ça fasse une différence avec les DD2 normales. Et c'est Luc Soriel qui est champion du ECKC 2015 dans cette catégorie. En Briggs Junior, c'est Braxton Terry qui est sorti vainqueur du ECKC 2015. Briggs Senior, c'est Simon Bélanger de l'équipe SH Racing. Et en Briggs Masters, c'est David Anderson. Mais comme je vous l'ai dit en débutant la chronique, il y avait des passes pour le championnat du monde qui étaient en jeu. Certaines avaient déjà été gagnées au championnat canadien un petit peu plus tôt cet été à Mosport, à la piste de Mosport. Et cette fin de semaine, on est content de voir ces pilotes-là s'envoler pour le Portugal en novembre parce qu'on le sait, ça va représenter le Canada de façon assez exceptionnelle. On a une belle cohorte cette année, comme on a toujours une belle cohorte. Mais je sens qu'on va pouvoir être très compétitif du côté du Portugal cette année. Donc, en Rotax Junior, c'est Joe Serrano qui a réussi à mettre la main sur la passe pour le Portugal. En senior, je le disais, Cédric Lupien a non seulement gagné le championnat ECKC, mais il a... Salut! Exact. Ouais, c'est ça, c'est celui. Il a aussi gagné la passe pour aller au Portugal. Donc, il va accompagner son frère. Les deux frères vont être du côté du Portugal pour défendre le titre et défendre le Canada face à tout ça. En DD2, c'est Jeffrey Kingsley qui va aller rejoindre Tyler Kishak et Fred Woodley qui avaient déjà des passes pour le championnat du monde. Et en DD2 Masters, eh bien, c'est Luc Soriol qui accompagnera les autres pilotes de l'équipe Canada du côté du Portugal. Et je le répète, c'est en fin novembre. Si jamais vous voulez plus de détails sur tous les résultats de l'événement qui s'est produit cette fin de semaine du côté de l'Académie de Karting Jim Russell, vous pouvez soit aller faire un tour sur le canadiankartingnews.com. Vous allez avoir des résultats, vous allez avoir des photos. Un petit peu plus tard durant la semaine, vous allez avoir tout ce qui est rapport d'événements, donc des histoires de pilotes. Vous pouvez aussi aller voir des photos sur pôle position qui ont été faits par Bruno Doré. Alors, c'est pour vous. Vous pouvez aller faire un tour sur les internets, comme ils disent. Et j'aimerais faire aussi une petite mention spéciale à Patrick Moreau qui en était à sa première année comme organisateur du championnat du ECKC. On le sait, le ECKC au Canada, c'est un gros événement. Ça amène des places au championnat du monde. Il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de pilotes et ça prend surtout une très belle organisation. Alors, je lève mon chapeau à cette première année pour Patrick Moreau. Très beau travail pour toute son équipe. Et je le disais, il y avait aussi NASCAR Canadian Tire qui en était à cette dernière course. Versons une petite larme. Okay. C'est terminé déjà. Ça vient juste tellement dire que l'été est fini puis qu'il commence à faire froid. Là. C'est ça. Hey, il faisait tellement froid à Mont-Tremblant en fin de semaine. Ah ouais. Puis il a tellement pas fait beau, ça a l'air, du côté de Kawarta pour les pilotes en NASCAR Canadian Tire. Ça a l'air qu'il a mouillé beaucoup. La course a été retardée aussi, mais beaucoup d'actions en piste. Quelques accrochages déjà en début de course. Mais voici les résultats. En troisième position, eh bien, c'est DJ Kennington. Deuxième position, c'était Scott Stickley. Et le vainqueur de de l'épreuve même, c'est Jason Hathaway, mais en terminant deuxième, tout juste derrière Jason Hathaway, bien Scott Stickley s'est mérité le titre de champion 2015 pour la quatrième fois dans la série NASCAR Canadian Tire. Alors, on lève notre chapeau à Scott Stickley, nos Québécois qu'on connaît si bien. Voici les résultats qu'ils ont eus pour cette course. Eh bien, Marc-Antoine Camiran est terminé en cinquième position, tout juste derrière Louis-Philippe Dumoulin, le trifluvien. Jean-François Dumoulin est terminé en neuvième position, pendant que Andrew Rangé, à la suite d'un accrochage, a eu quelques complications avec sa voiture. On a tenté de faire des changements sur la voiture tout au long de l'épreuve. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire l'entièreté des réparations qu'on espérait. Alors, on a terminé en 10e position pour Andrew Rangé, ce qui lui donne quand même une 3e place au championnat 2015 de la série NASCAR Canadian Tire. Et le trifluvien Louis-Philippe Dumoulin a quand même terminé 4e au championnat. Alors, on est content quand même de voir nos Québécois se classer si haut dans des championnats qui sont si compétitifs. Il y a aussi Gary Clute, l'Ontarien, qu'on connaît depuis quelques temps en karting, mais qui en était à sa première saison complète en série NASCAR Canadian Tire, qui a été sacré recrue de l'année 2015 pour sa saison complète. Et bien, pour ce qui est de NASCAR Canadian Tire, vous pouvez aller faire un tour sur hometracks.nascar.com si jamais vous voulez tous les détails de cette dernière course, mais aussi de toute la saison 2015, évidemment, et sur le YouTube channel, sur la page YouTube de NASCAR on TSN, vous pouvez voir quelques vidéos qui ont été produites tout au long de la saison 2015. Donc, c'est pour vous, vous pouvez toujours aller faire un tour sur ça. Et qui dit fin de championnat dit victoire, dit gens heureux. Alors évidemment, de façon logique, on aurait été écouter du Queen avec We Are the Champions. mais on voulait faire changement. En fait, j'imagine que tout le monde a entendu We Are the Champions. Premièrement, du côté de Mont-Tremblant, ça l'a joué à tue-tête pendant la cérémonie des podiums. Mais j'imagine aussi du côté de Kawarta, au podium, ça l'a joué. Mais voici Rush avec One Little Victory au 89.1 FM. Rush, One Little Victory. Ça fait changement de ce qu'on a entendu précédemment dans l'émission d'aujourd'hui. Oui, oui, ça fait changement aussi, je le disais, de Queen avec We Are The Champions. Donc, c'est bien. Oui, c'était dans la chronique En Piste avec Tania Beaudin. Vous pouvez retrouver toutes ces affaires qu'elle dit sur hashtag En Piste avec Tania Beaudin. Oui, je vais tout hashtaguer ça. Là. J'ai parlé de Canadian Karting News, puis de Pole Position, ouais. Puis du site de NASCAR. Alors, je vais tout mettre ça sur Internet, ouais. Évidemment. Snapchat-moi ça sur ton MyFace. MyFace. M'as-tu Snapchaté ça sur MyFace? S'il te plaît. Au retour, on parle du service aux étudiants. Restez là. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. FM. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bon, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 21 septembre 2015. C'est Tania Beaudin. Et Mathieu Plante. Oui. On a beaucoup de plaisir aujourd'hui à parler juste toi et moi, pas de chroniqueur, mais... Mais... Ça va faire juste parler toi et moi parce qu'on a un invité spécial. Oui. Qui est Philippe Compagnon du service aux étudiants. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Bonjour. Enchanté de te recevoir dans nos studios. Ça me fait plaisir d'être ici. Donc, le service aux étudiants, toi, tu es conseiller en information professionnelle. Tout à fait. C'est un grand mot qui veut dire, en fin de compte, que tous les étudiants de l'UQTR qui veulent venir me voir pour avoir un coup de main dans leur recherche d'emploi, que ce soit un emploi à temps partiel ou un emploi dans leur domaine, ben, ils peuvent venir me voir. J'ai plein de choses à leur donner. À leur servir sur un à leur servir d'argent. Sur un plateau d'argent gratuitement. Ah, gratuitement. Oh, plus, gratuitement, on aime ça. On veut le plus d'exemples possibles de services que tu peux offrir aux étudiants typiques qui vont se présenter à ta porte. Bon, premièrement, c'est sûr que la majorité des étudiants qui viennent me voir ont besoin d'un coup de main pour leur CV et leur lettre de motivation. Attention, je ne fais pas les CV, je ne fais pas les lettres de motivation, mais je les corrige, je regarde les erreurs qu'il y a dedans, je leur donne des exemples de ce qu'il faut faire, ouais. Je leur donne même des modèles dans leur domaine. Donc ça, c'est sûr que je te dirais que c'est le premier service que je peux offrir. Sinon, je parle de CV, mais lettre de motivation. Je fais aussi ce qu'on appelle de l'aide en simulation d'entrevue. Donc, je peux aider pour les questions d'entrevue, mais je peux faire aussi des simulations ciblées. L'étudiant qui vient me voir, qui dit « Bon, j'ai une entrevue dans 3 semaines pour un poste d'ingénieur chez Bombardier, exemple. » Ben, je peux monter une fausse entrevue d'ingénieur chez Bombardier. Et il vient dans mon bureau, il fait comme s'il était chez Bombardier. Je fais l'entrevue, mais surtout après, il y a un feedback de presque 1 heure où est-ce qu'il y a une grille d'analyse en 16 points, où est-ce que je lui parle de son non-verbal, un peu de synergologie qui est un terme scientifique pour dire tu bouges bien ou tu bouges pas bien en entrevue, ouais. Ou tu fais des erreurs ou tu te grattes toujours en haut de l'œil, le sourcil. Fait que, en gros, c'est ce que je peux faire. Je peux faire du ciblage aussi avec eux, leur donner des sites plus spécialisés. Là, j'ai l'air de faire une énumération d'épicerie, mais c'est vrai que c'est très, très complet. C'est un spectre très large. Je peux leur donner des trucs aussi de recherche. Je me rends compte qu'au niveau du contact à l'employeur, de leur organisation, des fois, c'est un peu déficient. Ils ont des horaires complets. Et puis, quand c'est le temps de faire des recherches, ils font tous un peu, tout le temps, la même chose et ça donne plus ou moins de résultats. Donc, moi, je suis là pour leur donner des trucs pour qu'ils fassent les choses différemment, qu'ils aient plus d'impact puis qu'ils soient capables de se vendre encore mieux. Philippe, dis-moi, c'est quoi vraiment la grosse différence entre un CV et une lettre de motivation pour justement, comme tu le dis, exemple, un ingénieur qui va appliquer chez Bombardier. À quel point c'est important une lettre de motivation aujourd'hui en 2015? Bien, non seulement c'est important, mais si tu appliques sur un poste spécialisé, mm-hmm. comme la majorité des élèves qui vont sortir d'ici, si tu n'as pas de lettre de motivation, tu ne seras probablement même jamais reçu en entretien. C'est ça. Donc, c'est comme, si tu veux, ta carte de visite au départ pour dire, regarde, mon CV est super important, super intéressant, mais dans ta lettre, tu es en train un peu de faire un teaser, excusez-moi le terme anglais, pour dire « allez voir mon CV ». Donc, dans ta lettre, il y a des choses importantes. Il y a toujours une partie intro et conclusion qui ne bouge pas vraiment, mais la partie développement doit être extrêmement personnalisée. On doit trouver le responsable d'embauche ou la personne qui a du pouvoir dans l'entreprise pour essayer d'attirer son attention et qui sente que c'est à lui qui s'est adressé et non que c'est une lettre générale qui est envoyée mm-hmm. à tout le monde qui fait en sorte qu'il ne se démarque pas. Aussi une feuille de référence, j'imagine. Donc, lettre de motivation, feuille de référence. Moi, la feuille de référence, là, je l'amènerai en entrevue. OK. C'est un petit plus que tu peux donner à la fin en disant à l'employeur, en passant, voici ma lettre de référence. J'ai appelé mes références. Ils sont au courant que je suis en recherche d'emploi. N'hésitez pas à communiquer avec eux. Je suis disponible. Non seulement tu te vends un peu plus dans ce temps-là, mais tu as plus confiance en toi, puis tu la donnes à la fin. Tu n'es pas obligé de la joindre à ton CV ni à ta lettre de motivation. J'aime pas parler de statistiques, les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi, mais présentement, en 2015, les employeurs passent entre 11 et 20 secondes à une première lecture de CV. C'est très court. Il faut que l'information sorte rapidement. Et à partir de là, ils vont décider s'ils te mettent dans la pile des peut-être, à revoir ou des absolument pas. Fait donc, il n'y a pas de colonne de oui, on dirait. C'est juste un peut-être non, ou un non. Il n'y a jamais de colonne de oui à la première lecture. Wow. C'est t'es dans les peut-être. Et après, ils vont approfondir. Et après, si ça fait leur affaire, ils vont te convoquer en entrevue. Toi, tu veux être dans les peut-être. Tu ne veux pas être dans les non. C'est ça. Quel genre de personnes tu reçois au bureau? Est-ce que c'est, des gens qui commencent vraiment en bas de l'échelle, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font puis qui disent « Où suis-je? » Moi, ce que je trouve formidable, c'est que le spectre est extrêmement large. Ça veut dire que je peux recevoir un étudiant qui est à sa première année, qui vient d'arriver, qui cherche une job non spécialisée, qui dit « Moi, c'est pas compliqué, je suis à l'université à temps plein, j'ai besoin de travailler dans un restaurant ou dans une boutique. » On va travailler, même s'il est en ingénierie, sur ces outils de ce cas-là. Je peux avoir des gens qui sont au doctorat, qui font de demandes pour aller dans des grandes universités américaines et qui se disent « Moi, j'ai besoin d'un CV extrêmement détaillé. » Donc, on est complètement ailleurs que d'un CV pour une technique d'embauche. On est plutôt dans un CV pour faire appel aux grandes universités, donc où est-ce qu'on met plus de publications. Le CV est plus long, parce que moi, j'ai tout le temps un CV, c'est deux pages, même si t'es à l'université. Ah oui, c'est deux pages. Je veux dire, après peut-être 10 ou 15 ans sur le marché du travail, tu peux commencer à penser à trois pages, puis commencer à faire des CV, ce que j'appelle mix, là, un mélange d'anti-chronologique et de compétences. Mais c'est deux pages, un CV. Mais quand t'es au doctorat, c'est un peu plus long. Faut que tu mettes tes publications, faut que tu mettes toutes les assistances de recherche que t'as fait. Et ça aussi, j'en ai fait récemment, là, à une étudiante qui voulait aller aux États-Unis appliquer dans une grande université. Fait que le spectre est très, très, très, très, très grand. J'ai des étudiants étrangers qui viennent me voir aussi, ce qui est très, très agréable parce qu'on se rend compte que les outils ne sont pas pareils. Mm-hmm. C'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes approches. Donc, c'est pour les mettre au goût du jour ici au Québec parce que, bon, on travaille ici à Trois-Rivières puis au Québec. Donc, en gros, je te dirais, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. À partir du moment où tu as une carte étudiante puis que tu es à l'UQTR, tu es bienvenu dans mon bureau. Tu as l'air assez polyvalent comme. Vraiment. On va se le dire. En plus, que tu as l'air presque d'un acteur hollywoodien qui va aller se renseigner sur les jobs parce que tu dis que tu vas passer en entrevue des gens en tant que gars de chez Bombardier. Tu sais. Ben, est-ce que tu vas sur le terrain pour apprendre la job pour faire une meilleure entrevue? C'est ça. Finalement, Philippe, il postule partout pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je le dis, je connais rien en ingénierie, si je passe une entrevue en ingénierie. Je te dirais que oui, des fois, je peux jouer des rôles. J'aime ça, mais habituellement, puis on est en 2015, c'est fini le temps où on faisait des entrevues, ce que j'appelle despotiques, où est-ce que l'employeur était le gros méchant, il essayait de te peinturer dans le coin, puis il essayait de t'intimider. Non, lui, il veut trouver quelqu'un. Il veut trouver quelqu'un, et ça, je le dis tout le temps aux étudiants, je leur dis, toi, t'offres tes services et l'employeur a besoin de quelqu'un. Si c'est pas toi qui prends, il va prendre quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où t'offres tes services, t'es presque sur le même pied d'égalité. C'est sûr qu'il reste toujours qu'il y a le pouvoir final de t'embaucher ou non, mais il faut que tu arrives là confiant. Et est-ce que je joue des rôles? Je vais jouer des rôles de méchant quand l'élève devant moi, l'étudiant, est pas préparé. Quand moi, j'ai travaillé pendant plusieurs heures à monter une grille, il arrive là au-dessus de ses affaires, pas préparé, un peu d'arrogance, je me garde. Je te le cache pas, Mathieu, je me garde dans ce temps-là, mais ça arrive de moins en moins. Je suis surpris par la qualité des étudiants qui viennent me voir, comment ils ont fait leur devoir, entre guillemets, là, ça fait un peu scolaire ce que je dis, mais il reste quand même que chercher une job ou se préparer au marché de l'emploi, c'est un travail. Et il y a comme un gros travail à faire en amont avant d'aller porter des CV, avant de se projeter à l'emploi. Il y a beaucoup de travail à faire avant et souvent, il n'est pas fait ce travail-là. Et moi, c'est là-dessus que je travaille. Les outils, ils ont le savoir-faire, ils ont le savoir. Moi, je travaille beaucoup sur le savoir-être et surtout de remplir leur coffre d'outils, mais surtout de leur montrer comment s'en servir. Qu'est-ce que tu constates le plus quand les étudiants vont te voir ces temps-ci? Est-ce qu'il manque des outils? C'est quoi exactement? Ma plus grande surprise, c'est de voir que ces gens-là sont presque diplômés ou sont à un niveau de scolarité élevé, donc on parle d'université, et que leurs outils ne correspondent pas du tout à leur niveau de professionnalisme. Je vois des CV remplis de fautes, avec des mises en page déficientes, avec des sections qui ne devraient pas y être, avec des sections qui devraient y être et qui n'y sont pas. Je pense que c'est ce qui me surprend le plus. Et surtout, leur manque de préparation. Ça veut dire qu'ils se font des copies de CV, puis là, ils partent avec 30 copies de CV en dessous des bras, puis là, ils sèment à grand vent, puis ils attendent à côté du téléphone que le téléphone sonne. Et ils se demandent pourquoi le téléphone sonne pas. Et je leur dis toujours, c'est de la manière dont tu as fait tes démarches qui fait que ça fonctionne pas. Il faut être beaucoup plus proactif. On est en 2015, on sait que le marché de l'emploi particulièrement à Trois-Rivières, est pas ce qu'il y a de plus reluisant, même si ça va beaucoup mieux. C'est pas facile de se trouver une job, à part dans des domaines où est-ce qu'il y a beaucoup de travail, ce qui n'est pas le cas dans tous les domaines. Donc, j'ai envie de dire, oui, je pense que c'est la préparation de départ. Et des fois, c'est juste du petit fine-tuning, excusez-moi, qui fait en sorte que c'est là que tu as le poste ou que tu ne l'as pas. Pour deux bons candidats performants, ce qui fait la différence, c'est ce fine-tuning-là. On parle beaucoup de CV. Est-ce que, selon toi, un CV reste toujours fait de la même façon ou ça va changer du domaine que tu es? Exemple, est-ce qu'un ingénieur, on parlait de doctorat tout à l'heure, est-ce que ça change entre domaines ou c'est vraiment généralisé, mettons? Moi, je pense que c'est pas avec ton CV, entre guillemets, c'est pas parce qu'il est fluo que tu mets une typo original que tu vas te démarquer. Encore aujourd'hui, 80% des employeurs veulent un CV, ce qu'on dit un peu conventionnel, classique. Un peu classique, straight, anti-chronologique. À un moment donné, il y a eu une mode, on a dit on va faire des portfolios. À un moment donné, il y a eu une mode, on a dit on va faire que des CV par compétence. Ouais. Nous, on a fait, on a interpellé des employeurs de tous les domaines, on leur posait encore la question, ce qu'ils veulent, c'est un CV anti-chronologique. On ne change pas de méthode gagnante. Puis j'ai tout le temps, le CV, c'est ta carte de visite. Tu peux avoir le plus beau CV du monde, la plus belle lettre de motivation du monde, c'est en entrevue que ça se passe. C'est là que tu as le poste ou que tu ne l'as pas. Et moi, je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler. Sur tes compétences, tes expériences professionnelles, tes qualités professionnelles, ton intérêt pour le poste, pour la tâche, pour l'entreprise, c'est incontournable. Ça ressemble à du dating, je trouve. Oui, c'est ça. Ben, c'est de faire ses recherches. Même chose. Ouais. Je fais toujours la même blague. C'est vraiment une date avec un employeur, mais c'est une date professionnelle. Ouais. Fait qu'on sait rapidement, en 7 secondes, j'ai lu ça, c'était dans... 7 secondes. En 7 secondes, un candidat, on sait si ça peut être un candidat potentiel. Le non-verbal dit encore tout. Ça tient à pas grand-chose, hein? 7% les mots, 93% pour le reste, l'attitude, la gestuelle, le sourire, l'énergie qu'on dégage. Et c'est encore comme ça, hein? C'est des humains qui parlent à des humains. C'est ça, la présentation, ça va toujours rester très important. Où est-ce qu'on vous trouve sur le campus si on veut aller vous voir? Très simple, au 1275 Albert-Tessier, à côté de la coop, dans le coin des Prêts et Bourses. C'est très, très simple. Je répète mon nom, Philippe Compagnon. On retient ça habituellement. Pas mal, oui. Pas mal. Et sinon, on appelle à l'université au 376-51. On fait le poste 60-59. Et on peut prendre un rendez-vous avec moi. Ce qui est important, c'est que je fais de l'individuel. Oui, c'est vrai, c'est de la rencontre en individuel personnalisée. Mais s'il y avait des cohortes ou des départements, je fais aussi des ateliers de groupe, que ce soit sur l'entrevue, le CV, les attitudes, l'éthique, etc., etc. Donc, je ne sais pas moi, communication sociale, ouais, loisirs, culture, tourisme, ingénierie, psychoéducation, qui dirait « Philippe, on veut t'avoir première année, deuxième année, troisième année, il n'y a aucun problème ». Et j'ai des événements qui s'en viennent aussi. Oui, j'entends dire qu'il y a une journée carrière qui s'en vient. Hein? Bon, le 9 décembre, là, j'en parle officieusement, mais le 9 décembre, c'est la journée carrière en éducation. C'est sûr que c'est une journée carrière qui cible les programmes d'éducation, comme BEPEP, enseignement, je pense psycho-aide aussi. Mais le 16 mars, ça, c'est le gros événement à l'UQTR. Il ne faut pas oublier ça, mais je vais vous revenir, on va avoir de la pub tout ça. Cool. 16 mars, journée carrière générale. Et là, on a entre 60 et 80 employeurs qui sont là pour faire du recrutement dans tous les domaines. Et là, les étudiants sont conviés. On souhaite qu'ils viennent le plus possible en grand nombre. Chaque année, on a des gens qui se trouvent des jobs. Faut le dire, carrément. On est là pour ça avant toute chose. Là, au service aux étudiants, on est là pour plein de choses. Mais moi, mon rôle, c'est de les aider à passer du monde de l'éducation au monde du travail. Ça dit tout, je pense. C'est parfait, ça. Oui. Très bien dit. On a failli t'inviter à l'émission du midi à la place, parce que je sais pas si tu savais qu'à C'est fou, on a une émission qui s'appelle Le Dîner de Compte. Fait que Le Dîner de Compagnon, ça aurait été vraiment cool, je trouvais. Ah. Ouais, tant que c'est pas moi le compte, tout va bien. Ouais, c'est ça. Mais on t'a invité à l'assemblage requis à la place. Et tu reviens quand tu veux nous parler de ce que tu veux. C'est Philippe Compagnon qui est conseiller en information professionnelle au service aux étudiants de l'UQTR. On te remercie beaucoup de ta participation. Merci Mathieu. Merci Tania. Bonne journée. On se quitte avec peut-être quelque chose que les étudiants veulent avoir dans le futur. Ben oui. C'est l'amour et l'argent. L'amour-argent de Pony. Hein? Je te fais tout ça. Tes jeux de mots sont en feu, Mathieu. Je sais pas, merci. C'était Pony et la pièce L'amour-argent à Assemblage requis. Il nous reste encore un petit peu de temps à l'émission, je dirais une quinzaine de minutes. Et Tania, tu as eu une excellente idée. Parlons d'iOS 9 ensemble. Oui. C'est le fun de parler de choses geek. Mais on en parlait un petit peu en début d'émission parce que hors onde, on se disait, voyons, je reçois des messages sur iMessenger, mais ça apparaît pas. Tu n'as pas le petit cercle rouge le avec un 1. Le truc de Facebook, c'est exactement. Ça, y a pas de symbole. Le Messenger de Facebook ne nous affiche plus qu'on a des messages. Il faut ouvrir l'application pour voir qu'on en a. On ne sait pas si c'est une faute à Messenger ou à iOS 9. Moi, en tout cas, je suis sur la bêta d'iOS 9.1 depuis plusieurs semaines et iOS 9 en général depuis le mois de juillet. Et j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours eu la notification sur Messenger. Donc, moi, je blâmerais peut-être plus Facebook, mais on verra. Parlons des nouveautés de iOS 9 qui nous intéressent. Vous avez peut-être déjà entendu parler de plein de trucs là, qui se passent dans iOS 9 puis vous n'allez jamais vous servir. Là. Mais concrètement, dans la vraie vie, nous, qu'est-ce qu'on aime le plus? Est-ce que tu veux commencer? Qu'est-ce que tu aimes dans iOS 9? Hey, bien... J'ai remarqué ça depuis que j'ai téléchargé iOS 9, évidemment. À chaque fois que je rentre dans mon téléphone, pas dans mon téléphone, dans ma voiture, mon téléphone m'avertit du trafic. Ah, c'est très bien ça. C'est très cool. Je trouve ça très nice. C'est très contextuel. Ça s'occupe de... C'est comme un peu dans Siri qui est à gauche du premier écran d'accueil qui va te suggérer des contacts ou des applications que tu utilises à cette heure-ci de la journée habituellement. Oui! C'est pas genre n'importe quelle application que tu utilises souvent. C'est en ce moment, t'as tendance à utiliser Messenger le matin, mettons. OK. T'as tendance à utiliser Tinder le soir. Peu importe. Ouais, c'est ça. moi, une des nouveautés que j'aime beaucoup, c'est la police. San Francisco dans iOS 9. Avant, c'était du Helvetica de Noy. Là, maintenant, c'est du San Francisco. Quand même assez différent. Ça... Étant donné que le look des icônes n'a pas changé, la police, elle a changé, ça donne un nouvel aspect, je trouve, au système. Tout à fait, j'aime bien aussi. Ouais. Pour ceux qui sont fanatiques des selfies, qu'on appelle, eh bien, je ne sais pas si tu as remarqué, mais maintenant, quand tu rentres dans tes albums photos, tu as une catégorie selfie. Et tu as vu qu'il y a aussi les photos capture d'écran qui sont nouvelles aussi. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Oh, screenshots! Quand tu prends des captures d'écran, ça fait un dossier. Et les panoramas et les vidéos sont toutes séparées en dossiers. C'est vraiment pratique parce qu'avant, il fallait creuser pas mal profond pour avoir tes capture d'écran et peut-être les effacer tout d'un shot. Une chose que j'aime pas, c'est la nouvelle multitâche, le nouveau panneau multitâche. Quand tu double-cliques sur le bouton Home, c'est rendu des cartes verticales. Oui. J'aime vraiment pas autant ça que l'ancienne façon. Je trouve que les cartes sont trop minces sur les côtés. Tu peux pas switcher directement d'une carte à l'autre. Je sais, hein. Faut que tu scrolles tout le temps, puis ça me tape ses nerfs. Mais j'aime qu'il ait enlevé les contacts en haut. Je trouvais que ça servait à rien. Oui, ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ça servait pas à grand-chose. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que. Il te propose des nouvelles. Oui, c'est bien, mais j'aime pas les sources. C'est tout le temps le Journal de Montréal. Ouais. Personnalisable. Moi, c'est tout le temps en anglais. C'est peut-être parce que mon iPhone est en anglais. Oui, moi, il est en français sur le Journal de Montréal. J'aime pas ça. Oui, je suis d'accord. Une de mes choses préférées, c'est le clavier qui change de majuscule à minuscule quand t'es rendu en cours de phrase. Comme ça, la touche Shift, t'as pas tout le temps te demander si c'est-tu majuscule, je suis sur Shift ou pas. C'était vraiment pas clair avant le gris puis le blanc sur le bouton. Maintenant, le clavier au complet devient minuscule, un peu comme sur Android, ça faisait de leur côté depuis quand même longtemps. J'aime bien le fait qu'on peut voir ce qui se passe avec notre batterie, pourquoi notre batterie meurt si rapidement. Je suis sur un article de Atlantico.fr qui dit « Le nouvel iPhone offre une possibilité pour comprendre ce qui décharge votre téléphone et dans quelle proportion elle le fait. » Donc, en fait, ils ont rajouté 20 % d'énergie. Et ça dit « En dessous de 20 % des services non essentiels. » Tu sais, là, ces fameuses applications qui te mettent sans que tu puisses les déliter de ton téléphone. Ça, c'est frustrant déjà en partant. Mais ils disent « Des services non essentiels seront alors désactivés pour prolonger la batterie jusqu'à 3 heures supplémentaires. » Ça, c'est vraiment cool. Et ça fonctionne très bien. J'utilise tout le mode énergie, faible énergie, je ne sais pas trop quoi. Ça va baisser la luminosité, ça va arrêter d'actualiser en arrière-plan, plein d'affaires comme ça. Et hier, j'étais à 10 % puis je l'ai toffé pendant 2 heures de plus. Là. Puis ça, c'est rare. C'est vraiment le fun. Le côté batterie de la chose, là, iOS 9, ils ont scoré fort, oui, ils ont comme bien ils compris. Disent. J'aime l'application Notes avec la possibilité de faire des dessins, des listes à puces, plein de choses que tu peux rajouter dans tes notes qu'on n'avait pas avant. Ça, j'aime bien ça. J'aime le retour à l'ancienne application. Quand tu es, mettons, dans Message et que tu reçois un message Facebook, tu cliques dessus. Oui. Tu peux retourner à l'autre application où tu étais avant, dans le coin en haut à gauche, à la place de tes petites barres de service. Je trouve ça bien fait, moi. Moi aussi. Ouais. Ça a l'air, semblerait, qu'à un certain point avec iOS 9, tu sais, le petit rond qui dit qu'on a lu un message sur Messenger, ouais. Bien, on va pouvoir enlever l'option que tout le monde le voit. Donc, si jamais vous envoyez, vous lisez en fait un message sur iMessenger, mais vous ne voulez pas que l'autre personne voit que vous l'avez lu, tout comme les messages textes normaux depuis quelques iOS, en fait, eh bien, dans quelques... Ça dit quelques semaines, en fait, sur l'article que j'ai devant moi, on va pouvoir enlever l'option. Donc, on va pouvoir choisir qui voit nos messages. Parce que ça, c'est une affaire personnelle. Je veux pas nécessairement tout le temps savoir, même, je veux pas savoir toi si t'as lu mon message, autant que moi, je veux pas que quelqu'un sache que j'ai eu son message, nécessairement. C'est parce que t'as-tu remarqué que ça frustre tout le monde si tu te fais pas répondre, mais que l'autre personne l'a vu? Ouais. Moi, en tout cas, ça m'a frustré plusieurs fois, puis j'aime pas vivre ce stress-là pour rien. Je trouve pas que c'est essentiel. Hey, c'est stressant, hein? C'est vraiment stressant. Je suis d'accord. Là, on parle beaucoup de nouveautés de iPhone pour iOS et iPod Touch, mais on n'a pas parlé d'iPad tant que ça, parce que moi, j'ai pas d'iPad. Je crois moi non plus. Mais quand même, une des choses que je trouve cool, autre que le multitasking, là, pouvoir mettre deux applications en même temps à l'écran, c'est de pouvoir glisser les doigts sur le clavier pour utiliser ça comme souris ou comme curseur pour aller ailleurs dans la phrase. Moi, j'aimerais vraiment s'il l'intégrait à iPhone 6 Plus ou 6S Plus, parce que l'appareil est assez récent pour que tu puisses glisser tes doigts dessus. Donc, moi, je trouve que ça manque sur iPhone. On a parlé de... c'était quoi mon prochain sujet aussi? Il y avait... J'en avais un autre... l'application de Music, Apple Music, je l'aime bien, je l'utilise pas tant que ça, mais j'aime comment la musique est placée quand même dorénavant dans l'application Music, d'avoir les grosses couvertures d'albums en grand plan, de pouvoir draguer la couverture vers le bas pour le mettre en mini lecteur. Ça, je trouve ça quand même bien fait. Sinon, pour vrai, à part de ça, il n'y a pas grand chose que j'utilise dans les nouvelles fonctionnalités. Il y a plein d'affaires, il y a News, il y a Maps, il y a un paquet de trucs. Mais je m'en sers pas tant que ça. Alors, j'aime la recherche dans les paramètres. Quand tu vas dans la section paramètres, tu peux chercher, mettons, luminosité, puis ça va t'amener au bon panneau. C'est vrai. Ouais. Il y a maintenant, en fait, depuis 2012, ça avait été enlevé, mais si jamais tu prends le bus ou si jamais vous êtes dans la région de Montréal et que vous prenez le métro, eh bien, c'est maintenant possible de consulter les horaires des transports publics avec Google Maps. Cool. Donc, c'est vraiment cool. Si jamais tu pars de chez vous et tu dis « Oh mon Dieu, est-ce que je vais être en retard? » Google Maps va te le dire « Haha, tu vas être en retard. » Et voilà. C'est bien. Cool. Ben, il y en a plein d'autres affaires. Vous pouvez aller voir facilement. Je vais vous poster un article sur la page d'Assemblage Requis, peut-être que toi aussi, sur la page Facebook. Ben oui. De quelques nouveautés plus, mettons, moins connues, moins mises à l'avant-plan par rapport à iOS 9. J'ai hâte de l'essayer plus longtemps. Je suis encore sur la bêta, comme j'avais dit. J'ai pas passé la version officielle encore. Ah non, mais, pas encore. Ben, je l'ai pas encore reçu. D'après moi, ça doit être la même chose, donc ils doivent me l'envoyer, mais je suis sur iOS 9.1, qui est la prochaine version après la 9.0 que toi, t'as reçu. Je suis tout à l'avant-garde de iOS. J'ai hâte aussi de parler éventuellement quand j'aurai le retour de mon ordinateur, le nouveau OS 10 El Capitan. Ah oui, quel est cette... C'est le nouveau système d'exploitation, nouvelle version. Oh. Sur les Mac. Mais bon, on parle de choses geek une fois de temps en temps, on aime ça. Et si vous aimez les choses geek, écoutez donc le Mathieu Plante Show de retour mercredi entre 15h et 17h avec moi et Samuel Girard à la chronique jeux vidéo rétro. Donc mercredi, 15h à 17h. Nous, on retourne à une chanson des Palmarès C'est Fou qui, lui, est le mardi, de 15h à 18h. On s'en va entendre une pièce de Hot Chip. Voici Why Make Sense. C'est bon, les croustilles chaudes. Non, mais Hot Chip comme une puce d'ordinateur. Ouais. C'était ça, la référence. C'est pas des chips. Pas rapport avec les chips. Croustilles. Ça. Guacamole. Guacamole. Why make sense? Sandy Shaw de Pourquoi avoir du sens? Why make sense? Ouais. La hot chip à Assemblage Requis. Ah, c'est bon ça. C'est calme, c'est c'était bon. C'était bon, c'était très bon. C'est tout en même temps. Ouais. Tout en même temps. Comme quand on parle en même temps. Mm. C'est quand on parle en même temps. Ben oui. C'est drôle. C'est drôle. Mais c'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Aujourd'hui, on remercie Philippe Compagnon du service aux étudiants. Oui, c'était très intéressant. On vous rappelle, si jamais vous voulez aller le rencontrer, c'est à Albert Tessier, tout près de la coop. Exact, et on va le réinviter pour d'autres affaires éventuellement. Certainement. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, c'est Rock Classique. Avec Canet Lefebvre le lundi, il me semble bien. Ensuite, à 19h, le voyage insolite, culture rock, cinéma et littérature fantastique. À 20h, rock de neurones avec du rock progressif. Allez voir cif.ca pour la formation complète. Les notes de l'émission, les balados diffusion sont sur assemblagerequis.com. Demain, à l'émission, on a la chronique Zone Campus. Et on parle d'impro avec Gabriel Béaud. C'est demain matin entre 6h30 et 9h30. Merci, Tania Baudin. Merci, Mathieu Plante. Merci à vous, les rockers à la maison que vous soyez. Puis passez donc une belle journée. Juste pour nous, genre. Ouais, nous on travaille. Fais-nous un petit sexy, genre en direct à partir de 16h30, comme dans la pub. Non. Dis d'autres choses, bon. Avec l'air sexy. Ah ouais. C'était tout pour aujourd'hui. Ok. Voilà. Ah, je suis tout émoustillé, man. Je le sais. À demain. Guacamole! Salsa! Guacamole!